Selon le journal internet sud-coréen Tongilnews, l'Association des femmes pour la paix a organisé le 27 à Séoul un meeting consacré au 20e anniversaire de sa fondation et appelé les Sud-Coréennes à s'efforcer pour la paix et la justice de la société.